بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Alif, Lam, Mim. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est une guidance pour les pieux, qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons attribué, qui croient à ce qui t'est révélé et à ce qui a été révélé avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur la voie de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Quant à ceux qui mécroient, cela leur est égal que tu les avertisses ou non. Ils ne croiront jamais. Dieu a scellé leur cœur et leurs oreilles. Sur leurs yeux est un bandeau. Il y aura pour eux un terrible châtiment. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Et parmi les gens, il y en a qui disent: nous croyons en Dieu et au jour dernier, alors qu'en réalité, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Dieu et ceux qui ont cru, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie, et Dieu laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Et quand on leur dit: ne semez pas la corruption sur la terre, ils disent: nous ne sommes que des réformateurs. Ne sont-ils pas, en réalité, les véritables corrupteurs? Mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit: croyez comme les gens ont cru, ils disent: croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit? Ce sont eux plutôt les faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Et lorsqu'ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons ». Mais lorsqu'ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent « En fait, nous sommes avec vous, nous ne faisons que nous moquer d'eux ». Dieu se moque d'eux et les enfonce dans leur rébellion, ils vont en aveugle. Ceux-là sont ceux qui ont acheté l'égarement contre la guidance. Leur commerce ne leur profitera point et ils ne trouveront jamais la bonne voie. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Ils ressemblent à des gens qui ont allumé un feu. Et quand le feu a tout illuminé autour d'eux, Dieu a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets et aveugles, ils ne reviendront jamais. Ou comme ceux qui, au moment d'une averse orageuse du ciel, chargés de ténèbres, de tonnerres et d'éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort. Et Dieu entoure de tous côtés les négateurs. L'éclair leur emporte presque la vue. Chaque fois qu'ils projettent de la lumière sur eux, ils avancent. Mais lorsque l'obscurité tombe sur eux, ils s'immobilisent. Si Dieu le voulait, il leur enlèverait l'ouïe et la vue, car il est capable de toutes choses. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Peut-être serez-vous pieux. C'est lui qui a fait de la terre un lieu de repos pour vous et du ciel un édifice. Et qui du ciel a fait descendre une eau par laquelle il a fait sortir les fruits en attribution pour vous. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez qu'il n'en a pas. Et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, alors essayez donc de produire ne serait-ce qu'une sourate semblable, et appelez vos témoins en dehors de Dieu si vous êtes véridiques. Et si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, prémunissez-vous donc contre le feu dont les hommes et les pierres seront le combustible et qui a été préparé pour les négateurs. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres. Ils auront des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Et chaque fois qu'on leur présentera des fruits de ces jardins, ils diront : ce sont là les mêmes fruits qui nous avaient été donnés auparavant. Or, ils ne sont semblables qu'en apparence. Ils trouveront là des épouses pures, ils y demeureront éternellement. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqq min rabbihim وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Certes, Dieu ne répugne point à citer en parabole un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Ceux qui croient savent qu'il s'agit de la vérité venant de leur Seigneur. Quant à ceux qui ne croient pas, ils disent « Qu'a voulu dire Dieu par un tel exemple ?» Par cela, nombreux sont ceux qu'il égare et nombreux sont ceux qu'il guide, mais il n'égare par cela que les pervers. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Violent le pacte qu'ils avaient conclu avec Dieu, qui rompent ce que Dieu a ordonné d'unir. Et qui sèment la corruption sur la terre, ceux-là sont les véritables perdants. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Comment pouvez-vous ne pas croire en Dieu alors que vous étiez mort et qu'il vous a donné la vie? Puis il vous fera mourir et il vous fera revivre. Et c'est enfin à lui que vous retournerez. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis, il s'est tourné vers le ciel. Et il en a façonné harmonieusement sept cieux. Et il est omniscient. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir un lieutenant sur la terre, ils dirent, vas-tu en établir un qui y sèmera la corruption et y répandra le sang, tandis que nous sommes là à te glorifier et à te sanctifier. Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Il apprit à Adam tous les noms, puis les montra aux anges et dit, informez-moi des noms de ces choses, si vous êtes véridiques. Ils dirent, gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as enseigné. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Il dit, ô Adam, informe-les de ces noms. Puis, lorsqu'Adam les eut informés de ces noms, Dieu dit, ne vous ai-je pas dit que je connais l'invisible des cieux et de la terre, et je sais ce que vous divulguez, de même que ce que vous cachez. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent tous, à l'exception d'Iblis, qui refusa par arrogance et fut ainsi du nombre des négateurs. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis toi et ton épouse, et mangez de tous ses fruits à votre guise. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Satan les fit glisser de là, et leur fit quitter le lieu où ils étaient. Et nous dîmes, descendez du paradis et soyez ennemis les uns des autres. Il y aura pour vous une demeure sur la terre et usufruit pour un temps. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ Puis Adam reçut des paroles de son Seigneur qui accepta son repentir. Certes, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Nous dîmes, descendez d'ici, vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Quant aux négateurs, ceux qui traitent nos signes de mensonges, ceux-là sont les compagnons du feu, où ils demeureront éternellement. Ya bani Israël, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi oufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين Ô enfants d'Israël, rappelez-vous nos bienfaits dont je vous ai comblé. Et si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi seul que vous devez craindre. Et croyez à ce que j'ai révélé en confirmation de ce que vous possédez déjà. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. N'échangez pas mes signes contre un prix dérisoire. C'est moi seul que vous devez craindre. Ne mêlez pas le faux à la vérité et ne cachez pas sciemment la vérité. Accomplissez la prière, acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Commanderez-vous aux gens de faire le bien, tout en oubliant vous-même de le faire, alors que vous récitez le livre, êtes-vous donc dépourvu de raison? Cherchez secours dans la patience et la prière. Il est certes une lourde obligation, sauf pour les humbles, qui ont la certitude qu'ils rencontreront leur Seigneur et que c'est à lui qu'ils retourneront. Ya bani Israël, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et comment je vous avais préféré à toutes les autres créatures. Prémunissez-vous contre un jour où aucune âme ne profitera à une autre, et où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession, où l'on ne recevra d'elle aucune compensation, et ils ne seront pas secourus. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Rappelez-vous, lorsque nous vous avons délivré des gens de Pharaon qui vous infligeaient de terribles supplices, massacrant vos fils et épargnant vos femmes, c'était là une très grande épreuve de la part de votre Seigneur. Et rappelez-vous, lorsque nous avons fendu la mer pour vous, nous vous avons sauvé et noyé les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez. Et rappelez-vous, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, puis, en son absence, vous avez pris le veau pour idole et vous étiez injuste. Malgré cela, nous vous pardonnâmes. Peut-être auriez-vous reconnaissant. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Et rappelez-vous, lorsque nous donnâmes à Moïse le livre et le discernement, peut-être seriez-vous bien guidés. Et rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Revenez donc repentant vers votre Créateur et donnez-vous la mort à vous-même. Cela sera meilleur pour vous auprès de votre Créateur. Puis, il acceptera votre repentir. Certes, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. » وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Et rappelez-vous, lorsque vous dites, ô Moïse, nous ne croirons en toi que lorsque nous aurons vu Dieu clairement. Alors, tandis que vous regardiez, la foudre vous saisit. Puis, nous vous fîmes revivre après votre mort. Peut-être auriez-vous été reconnaissant. Nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage et fîmes descendre sur vous la manne et l'écaille en vous disant « Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées. » Et ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Lorsque nous dîmes, entrez dans cette ville et mangez librement de ce qui s'y trouve, et entrez par la porte en vous prosternant et dites: nous nous repentons, nous vous pardonnerons vos fautes et donnerons davantage aux bienfaisants. Mais les injustes substituèrent un mot désobligeant à ce mot. Alors nous fîmes descendre du ciel un fléau sur les injustes pour leurs mauvais agissements. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Lorsque Moïse demanda de l'eau pour son peuple, nous dîmes: frappe le rocher avec ton bâton. Aussitôt, 12 sources en jaillirent et chaque tribu sut où s'abreuver. Mangez et buvez de ce que Dieu vous attribue, et ne provoquez pas de ravages sur la terre en y semant la corruption. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Et rappelez-vous, lorsque vous dites « Ô Moïse, nous sommes las de toujours manger la même nourriture. Prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle fait pousser de ses légumes, de ses concombres, de son ail, de ses lentilles et de ses oignons. » Il dit « Voulez-vous échanger le meilleur pour le pire ? Descendez donc à n'importe quelle ville. » Vous y trouverez certainement ce que vous demandez. L'humiliation et la misère s'abattirent sur eux, et ils encoururent la colère de Dieu. Cela parce qu'ils reniaient les signes de Dieu et tuaient injustement les prophètes. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Certes, ceux qui croient, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, tous ceux qui croient en Dieu au jour dernier et accomplissent de bonnes œuvres, certainement leur récompense est auprès de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Lorsque nous avons obtenu votre engagement et élevé le mont au-dessus de vous en vous disant: tenez fermement ce que nous vous avons donné et souvenez-vous de ce qui s'y trouve. Peut-être auriez-vous été pieux. Par la suite, vous vous en êtes détournés. Et n'eût été la grâce de Dieu et sa miséricorde, vous auriez certainement été parmi les perdants. Vous connaissez sûrement ceux d'entre vous qui transgressèrent le sabbat. Nous leur dîmes: soyez donc des singes, méprisés et abjects. Nous en avons fait un exemple pour leurs contemporains, ainsi que pour les générations à venir, et une exhortation aux pieux. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Lorsque Moïse dit à son peuple, certes, Dieu vous ordonne d'immoler une vache. Ils dirent, te moques-tu de nous? Il répondit, que Dieu me garde d'être du nombre des ignorants. Ils dirent, prie ton Seigneur de nous préciser le genre de vache dont il s'agit. Moïse répondit, certes Dieu dit, c'est bien une vache, ni trop vieille, ni vierge, elle est d'âge moyen. Faites donc ce qu'on vous commande. Ils dirent, prie ton Seigneur de nous préciser sa couleur. Moïse répondit, certes Dieu dit, c'est une vache jaune, de couleur vive et agréable à regarder. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Ils dirent, prie ton Seigneur de nous préciser le genre de vache dont il s'agit, car pour nous, toutes les vaches se ressemblent. Et certes, si Dieu le veut, nous serons bien guidés. Moïse répondit, certes Dieu dit, c'est une vache qui n'a pas été servie à labourer la terre, ni à arroser les champs. Elle est en bonne santé et de couleur unie. Ils dirent, maintenant, tu nous l'as décrite véritablement, avec toutes ses caractéristiques. Ils l'immolèrent alors, mais peu s'en fallut qu'ils ne le fissent point. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Lorsque vous aviez tué un homme et que vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord, Dieu révéla au grand jour ce que vous tentiez de cacher. Nous dîmes, frappez le corps avec une partie de la vache. Ainsi, Dieu ramène le mort à la vie et vous montre ses signes. Peut-être comprendrez-vous. Puis, après ce signe, votre cœur s'endurcit et devient comme une pierre. Ou même plus dur encore, car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux, d'autres qui se fendent pour qu'en surgisse l'eau, et il y a des pierres qui s'effondrent par crainte de Dieu, et Dieu n'est point inattentif à ce que vous faites. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Eh bien, espérez-vous qu'ils vous croiront alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole de Dieu, la falsifia sciemment. Lorsqu'ils rencontrent des croyants, ils disent « Nous croyons ». Et une fois seuls entre eux, ils disent « Allez-vous leur dire ce que Dieu vous a révélé pour leur fournir un argument contre vous devant votre Seigneur ? Êtes-vous donc dépourvu de raison ? Ne savent-ils pas que Dieu sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils proclament ?» وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Il y a parmi eux des illettrés qui ne savent du livre que des chimères et qui ne font que des conjectures. Malheur donc à ceux qui, de leurs propres mains, écrivent un livre et disent « Ceci vient de Dieu pour en tirer un prix misérable ». Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit et malheur à eux pour le profit qu'ils en tirent. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ils ont dit, le feu de l'enfer ne nous touchera que pour quelques jours comptés. Dis, auriez-vous conclu un pacte avec Dieu ? Et Dieu ne manque jamais à son engagement. Ou dites-vous à propos de Dieu des choses que vous ne savez pas ? Non, en fait, il n'en est pas ainsi. Et tous ceux qui font le mal et qui sont encerclés par leurs péchés, ceux-là sont les compagnons du feu, dans lequel ils demeureront éternellement. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, ceux-là sont les compagnons du paradis, où ils demeureront éternellement. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Lorsque nous avons pris l'engagement des fils d'Israël en leur disant « N'adorez nul autre que Dieu, soyez bons envers vos pères et mères, vos proches, les orphelins et les indigents, ayez de bonnes paroles pour les gens, accomplissez régulièrement la prière et acquittez la zakat. Mais par la suite, à l'exception d'un petit nombre d'entre vous, vous vous êtes détournés et vous vous êtes écartés. Lorsque nous avons pris votre engagement en vous disant « Ne répandez point votre sang et ne vous expulsez pas les uns les autres hors de vos maisons », puis vous avez ratifié l'engagement et vous en avez été témoin. ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Pourtant, voilà que vous vous entretuez, que vous expulsez certains d'entre vous de leur maison et que vous aidez injustement, par péché et transgression, ceux qui leur font du tort. Et s'ils viennent à vous, en tant que captifs, vous les rançonnez alors qu'il vous était interdit, au départ, de les expulser de chez vous. Croyez-vous donc en une partie du livre et en reniez-vous une autre? Quelle est donc la récompense des gens qui agissent ainsi, si ce n'est l'ignominie dans cette vie? Et au jour de la résurrection, ils subiront le plus douloureux des châtiments. Dieu n'est point inattentif à ce que vous faites. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Voilà ceux qui achètent la vie présente au prix de la vie future. Leur châtiment ne sera pas allégé et ils ne seront point secourus. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Certes, nous avons donné le livre à Moïse, et nous avons envoyé après lui une succession de prophètes. Et nous avons donné des preuves claires à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager de Dieu vient à vous, avec des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enflez d'orgueil? Vous traitiez certains d'imposteurs et vous en tuiez d'autres. Ils disent « Nos cœurs sont incirconcis ». Non, mais Dieu les a maudits à cause de leur refus de croire, et bien faible à leur foi. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Lorsque leur vint de Dieu un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant ils priaient pour obtenir une victoire décisive sur les négateurs, et lorsque leur vint ce qu'ils savent, au fond ils refusent d'y croire, que la malédiction de Dieu soit sur les négateurs. Comme est mauvais ce pourquoi ils ont vendu leur âme en refusant de croire en ce que Dieu a révélé, jaloux qu'il fasse descendre, de par sa grâce, la révélation à qui il veut parmi ses serviteurs. Ils ont encouru colère sur colère, et pour les négateurs il y aura un châtiment avilissant. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Lorsqu'on leur dit « Croyez en ce que Dieu a révélé », ils disent « Nous croyons en ce qui nous a été révélé à nous » et ils rejettent ce qui est venu par la suite, bien qu'il s'agisse de la vérité confirmant ce qu'ils possédaient déjà. Dis-leur « Pourquoi donc avez-vous tué les prophètes de Dieu par le passé si vous étiez vraiment croyants ?» ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Moïse est venu à vous avec des preuves claires, et pourtant, pendant son absence, vous avez pris le veau pour idole et vous étiez injuste. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Et rappelez-vous, lorsque nous avons obtenu de vous un engagement, et nous avons élevé le mont au-dessus de vous, en vous disant, tenez fermement ce que nous vous avons donné, et écoutez. Ils dirent, nous avons écouté et nous désobéissons. Et parce qu'ils brisèrent leur engagement, l'amour et l'adoration du veau furent introduits profondément dans leur cœur. Dis-leur, quelle misérable action votre foi vous pousse à accomplir, si tant est que vous êtes croyant. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dis-leur, s'il est vrai que l'ultime demeure auprès de Dieu vous soit réservée à l'exclusion des autres gens, souhaitez donc la mort si vous êtes véridiques. Mais jamais ils ne la souhaiteront, à cause de ce que leurs mains ont préparé. Et Dieu connaît parfaitement les injustes. Et tu les trouveras les plus avides de la vie d'ici-bas, plus encore que les polythéistes. Chacun d'entre eux souhaiterait pouvoir vivre 1000 ans, mais vivre 1000 ans ne le sauverait nullement du châtiment. Dieu voit très bien ce qu'ils font. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. Dis, quiconque est ennemi de Gabriel doit savoir que c'est lui qui, par la permission de Dieu, a fait descendre sur ton cœur ce livre qui confirme ce qui avait été révélé auparavant et qui est un guide et une bonne nouvelle pour les croyants. Quiconque est un ennemi de Dieu, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michaël, Dieu sera son ennemi car Dieu est l'ennemi des négateurs. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. En vérité, nous t'avons révélé des signes évidents auxquels seuls les pervers ne croient pas. Et quoi ? Chaque fois qu'ils concluent un pacte, un groupe d'entre eux le rejette. La vérité est que la plupart d'entre eux ne croient pas. Lorsque leur vint un messager de Dieu, qui leur confirme ce qu'ils ont déjà, certains de ceux à qui le livre avait été donné jettent le livre de Dieu par-dessus leur épaule, comme s'ils ne savaient rien. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ils suivent ce que les diables racontèrent du règne de Salomon, alors que Salomon n'était point mécréant, mais les diables l'étaient. Ils enseignaient aux gens la sorcellerie, ainsi que ce qui fut révélé aux anges Harout et Marout à Babel. Mais ces deux anges n'enseignaient rien à personne sans leur avoir d'abord dit « Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois donc pas mécréant. » Et de ces deux anges, les gens apprenaient à causer la désunion entre maris et femmes. Or, ils ne pouvaient nuire à personne sans la permission de Dieu. Et ils apprenaient ainsi ce qui leur causait du tort et ne leur profitait point. Ils savaient certainement que ceux qui se procurent ce pouvoir n'auront aucune part dans l'au-delà. Certes, méprisable est le prix pour lequel ils ont vendu leur âme, si seulement ils avaient su. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. S'ils avaient cru et s'étaient gardés de faire le mal, la récompense de Dieu aurait été bien meilleure, si seulement ils avaient su. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ô vous qui croyez, ne dites pas aux prophètes « favorise-nous », mais dites « regarde-nous » et écoutez attentivement. Pour les négateurs, il y aura un châtiment douloureux. Ni les négateurs parmi les gens du livre, ni les polythéistes n'aiment que descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur. mais Dieu réserve à qui il veut sa miséricorde. Il est d'une bonté incommensurable. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Que nous abrogions un verset, ou que nous le fassions oublier, nous apporterons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas que Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il veut? Ne sais-tu pas que c'est à Dieu qu'appartient le royaume des cieux et de la terre, et qu'en dehors de Dieu, vous n'avez ni protecteur ni secoureur? أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. Voudriez-vous interroger votre messager, comme auparavant on interrogea Moïse? Celui qui substitue l'incroyance à la foi s'est certainement égaré du droit chemin. Nombre des gens du livre désireraient avidement par jalousie vous rendre négateur après que vous ayez cru, bien que la vérité leur soit devenue manifeste. Pardonnez-leur et soyez indulgents envers eux, jusqu'à ce que Dieu donne ses ordres. Certes, Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il veut. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Accomplissez la prière et acquittez la zakat, et tout ce que vous avancez de bien pour votre âme, vous le retrouverez auprès de Dieu. Certes, Dieu voit parfaitement ce que vous faites. Ils disent, nul n'entrera au paradis, à moins d'être un juif ou un chrétien. Voilà leur chimère. Dis, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Non, mais quiconque soumet son être à Dieu tout en faisant le bien, sa récompense est auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte et ils ne seront point affligés. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Les Juifs disent, il n'y a rien de vrai dans la voie que suivent les chrétiens. Et les chrétiens disent, il n'y a rien de vrai dans la voie que suivent les Juifs. Et pourtant, les deux lisent le livre. Ceux qui ne savent pas ne font que répéter ces mêmes paroles. Dieu jugera entre eux au jour de la résurrection à propos de ce sur quoi ils diffèrent. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Qui est plus injuste que celui qui empêche de mentionner le nom de Dieu dans les mosquées et qui s'efforce de les détruire? Ceux-là n'y devraient entrer que le cœur rempli de crainte. Pour eux, l'ignominie sera leur lot ici-bas, et dans l'au-delà, ils auront un terrible châtiment. À Dieu appartiennent l'Est et l'Ouest. Où que vous vous tourniez, là est le visage de Dieu. Certes, Dieu est immense dans sa grâce, et il est omniscient. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Ils disent Dieu s'est donné un fils, qu'il soit glorifié. En vérité, c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre. C'est à lui que tous obéissent. Il est le créateur des cieux et de la terre. Lorsqu'il décrète une chose, il dit seulement soit, et elle est. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون Et ceux qui n'ont aucun savoir disent Pourquoi Dieu ne nous parle-t-il pas? Ou pourquoi un signe évident ne nous vient-il pas? Leur manière de parler est semblable à celle des gens avant eux. Leurs cœurs se ressemblent tous. Nous avons rendu clairs les signes pour les gens qui croient avec certitude. Inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Certes, nous t'avons envoyé avec la vérité, comme annonciateur de bonnes nouvelles et comme avertisseur. Et tu ne seras pas questionné sur les habitants de l'enfer. Ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur confession. Dis, certes, la voix de Dieu est la véritable voix. Et si tu suis leur désir, après les connaissances que tu as reçues, tu n'auras alors contre Dieu ni protecteur, ni secoureur. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون Ceux à qui nous avons donné le livre et qui le récitent correctement, ceux-là y croient vraiment. Et ceux qui n'y croient pas, ce sont ceux-là, les véritables perdants. Ya bani Israël, adhkuru ni'mati allati أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé, et aussi que je vous ai préféré à toutes les autres créatures. Prémunissez-vous contre un jour où aucune âme ne profitera à une autre et où l'on n'acceptera d'elle aucune compensation et où aucune intercession ne lui sera utile et ils ne seront pas secourus. وَإِذْ بَتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Quand son Seigneur éprouva Abraham par des commandements et qu'il les eut accomplis, il dit : Certes, je vais faire de toi un guide pour les gens. Abraham demanda : Et parmi ma descendance ? Dieu dit : Mon engagement n'inclut pas les injustes. Quand nous fîmes de la maison à la Mecque un lieu de visite et un asile de paix pour les gens, en disant : Adoptez comme lieu de prière ce lieu où Abraham se tint debout. Nous confiâmes à Abraham et Ismaël ceci : Purifiez ma maison pour ceux qui circulent autour, y font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ. Quand Abraham dit : Mon Seigneur, faisons une cité sûre et nourris de fruits ses habitants, ceux qui croient en Dieu et au jour dernier. Il répondit : Quant à celui qui ne croit pas, je lui accorderai une jouissance temporaire, puis je le contraindrai au châtiment du feu. Quelle mauvaise destination. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Quand Abraham et Ismaël érigeaient les assises de la maison, notre Seigneur, accepte de nous ceci. Certes, c'est toi seul l'audient, l'omniscient. Notre Seigneur, fais de nous des soumis à toi, et de notre progéniture une communauté soumise à toi, et montre-nous la façon de t'adorer, et sois pardonneur envers nous. Certes, toi, et toi seul es le pardonneur, le miséricordieux. Notre Seigneur, fais apparaître parmi nos descendants un messager qui soit un des leurs, qui leur récitera tes versets, leur enseignera le livre et la sagesse, et les purifiera. Certes, toi, et toi seul es le puissant, le sage. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et qui abandonne la religion d'Abraham, sinon celui qui fait preuve de sottise? En vérité, nous l'avons choisi en ce monde, et certes, il sera dans l'au-delà, parmi les vertueux. Lorsque son Seigneur lui dit « Soumets-toi », il dit « Je me soumets au Seigneur des mondes ». Il enjoignit la même chose à ses fils, et Jacob fit de même. « Ô mes fils, certes Dieu a choisi pour vous la vraie religion. Ne mourrez donc point autrement qu'en soumis à lui. » أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Étiez-vous présent lorsque la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils « Qu'adorerez-vous après moi ?» Ils dirent « Nous adorerons ton Dieu, celui de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, un seul Dieu et c'est à lui que nous sommes soumis. » وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Voilà une communauté qui s'est éteinte. À eux ce qu'ils ont acquis, et à vous ce que vous avez acquis. Et on ne vous demandera pas de compte à propos de ce qu'ils faisaient. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Et ils disent: soyez juifs ou chrétiens, et vous serez bien guidés. Dis-leur, non, mais nous suivons la religion d'Abraham, croyant originel, qui n'était point du nombre des polythéistes. Dites, ô musulmans, nous croyons en Dieu, et en ce qui nous est révélé, et en ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et en ce qu'ont reçu Moïse et Jésus, et en ce qu'ont reçu les prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ ومن أحسن من الله صبرة ونحن له عابدون. S'ils croient à ce à quoi vous croyez, ils sont sur la bonne voie. Mais s'ils se détournent, alors ils sont coupables de schisme, et Dieu vous suffira contre eux. Il est l'audient, l'omniscient. Nous adoptons la religion de Dieu. Et quelle religion est meilleure que celle de Dieu? Nous sommes ses adorateurs. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Dis aux gens du livre, osez-vous polémiquer avec nous au sujet de Dieu, alors qu'il est notre Seigneur et le vôtre? À nous nos actions et à vous les vôtres, c'est à lui que nous sommes dévoués. Ou dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Dis, est-ce vous qui savez ou est-ce Dieu? Et qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il a reçu de Dieu? Dieu n'est pas inattentif à ce que vous faites. Voilà une communauté qui s'est éteinte. À eux ce qu'ils ont acquis, et à vous ce que vous avez acquis. Et on ne vous demandera pas compte à propos de ce qu'ils faisaient. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Les insensés d'entre les hommes diront: qui donc les a détournés de la direction de prière vers laquelle ils s'orientaient auparavant? Dit, à Dieu appartiennent l'Est et l'Ouest. Il guide qui il veut vers le droit chemin. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Ainsi, avons-nous fait de vous la communauté du juste milieu, afin que vous soyez témoins contre l'humanité et que le messager soit un témoin contre vous. Nous n'avions établi l'orientation première vers laquelle tu te tournais que pour déterminer qui suivrait le messager et qui tournerait les talons. En vérité, ce fut une épreuve difficile, sauf pour ceux qui étaient guidés par Dieu. Jamais Dieu ne fera en sorte que votre foi ait été vaine, car Dieu est plein de compassion et de miséricorde envers les gens. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Nous t'avons vu tourner ton visage vers le ciel. Alors maintenant, nous t'orienterons vers une direction de prière que tu agréeras. Tourne ton visage en direction de la mosquée sacrée. Et vous, ô musulmans, où que vous soyez, tournez votre visage dans sa direction. Certes, ceux qui ont reçu le livre savent que c'est la vérité de la part de leur Seigneur. Et Dieu n'est pas inattentif à ce qu'ils font. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. Et même si tu apportais toutes sortes de preuves à ceux qui ont reçu le livre, ils ne suivraient pas ta direction de prière. Et toi, tu ne suis pas leur direction de prière, et entre eux, les uns ne suivent pas la direction de prière des autres. Et si tu suis leur désir, après le savoir que tu as reçu, tu compteras certainement parmi les injustes. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Ceux à qui nous avons donné l'Écriture le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Or, un groupe d'entre eux dissimule sciemment la vérité. C'est la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. À chacun une direction vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc les uns avec les autres dans les bonnes œuvres. Où que vous soyez, Dieu vous rassemblera, car il est certes capable de tout. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Certes, voilà la vérité de la part de ton Seigneur, et Dieu n'est pas inattentif à ce que vous faites. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée, et où que vous soyez, ô musulmans, tournez votre visage dans sa direction, afin que les gens n'aient point d'argument contre vous, sauf ceux qui sont injustes parmi les hommes. Ne les craignez pas, mais craignez-moi, afin que je parachève mon bienfait à votre égard et que vous soyez bien guidés. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ainsi, nous vous avons envoyé un messager, issu de vous-même, qui vous récite nos signes, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Souvenez-vous donc de moi, et je me souviendrai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Dieu est avec ceux qui sont patients. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier de Dieu qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont bien vivants, mais vous n'en êtes pas conscients. Et nous vous éprouverons certainement, par un peu de peur, de faim, par des pertes de biens, de personnes et de récoltes. Mais annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont patients, qui, lorsqu'un malheur les atteint, disent « Certes, c'est à Dieu que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. » Voilà ceux qui reçoivent paix, bénédiction et miséricorde de leur Seigneur. Voilà ceux qui sont bien guidés. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Certes, الصفا et المروة sont parmi les symboles de Dieu. Celui donc qui fait le pèlerinage à la maison de Dieu ou qui s'y rend pour la visiter ne commet aucun péché en faisant le va-et-vient entre ces deux collines. Et quiconque fait une bonne action de son propre gré, Dieu est certes reconnaissant, omniscient. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Ceux qui dissimulent ce que nous avons révélé comme preuve et comme indication pour guider les gens après que nous les ayons rendus clairs dans le livre. Voilà ce que Dieu maudit et que les maudisseurs maudissent. Excepté ceux qui se sont repentis, se sont amendés et ont ouvertement déclaré la vérité. De cela, j'accepte le repentir. Je suis le pardonneur, le miséricordieux. Inna alladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alayhim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Certes, ceux qui ne croient pas et meurent mécréants recevront la malédiction de Dieu, des anges et de tous les hommes. Ils y demeureront éternellement. Le châtiment ne leur sera point allégé et ils n'auront droit à aucun répit. Votre Dieu est un Dieu unique. Nulle divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans les navires qui voguent en mer, chargés de choses utiles aux gens, dans l'eau que Dieu fait descendre du ciel, et par laquelle il redonne vie à la terre desséchée, et y répand des bêtes de toutes sortes, dans la variation des vents, et dans les nuages, soumis entre le ciel et la terre, dans tout cela, il y a des signes pour ceux qui raisonnent. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Et pourtant, parmi les gens, il en est qui adoptent des objets d'adoration autres que Dieu, les aiment comme on aime Dieu. Or, ceux qui croient sont les plus ardents à l'amour de Dieu. Lorsque les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force est entièrement à Dieu et que Dieu est dur en châtiment. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront brisés, et les suiveurs diront « Si un retour sur terre nous était possible, nous les désavouerions, comme ils nous ont désavoués. » Ainsi Dieu leur montrera leurs propres actions, source de remords pour eux, et ils ne pourront pas sortir du feu. « Ya ayyuha an-nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum 'aduwwun mubin إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Ô homme, mangez de ce qui est licite et sain sur la terre, et ne suivez pas les traces de Satan. C'est votre ennemi déclaré. Il ne vous commande que le mal et la turpitude, et de dire au sujet de Dieu ce que vous ne savez pas. Et quand on leur dit « Suivez ce que Dieu a révélé », ils répondent « Nous suivons le chemin emprunté par nos ancêtres. » Quoi ? Et si leurs ancêtres n'avaient rien compris et n'avaient point été guidés ? ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Les négateurs ressemblent au bétail contre lequel on croasse et qui n'entendent qu'appel et voix confus. Sourds, muets et aveugles, ils ne raisonnent point. Ô vous qui croyez, mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées et remerciez Dieu si c'est lui que vous adorez vraiment. Il ne vous a interdit que les charognes, le sang, la viande de porc et ce qui a été sacrifié au nom d'un autre que Dieu. Mais celui qui est poussé par nécessité à manger ce qui est interdit, sans le désirer ardemment, ni transgresser, ne commet aucun péché. Certes, Dieu est pardonneur et miséricordieux. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Ceux qui cachent ce que Dieu a fait descendre du livre et le vendent à vil prix, ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu. Au jour de la résurrection, Dieu ne leur parlera pas, ne les purifiera pas, et ils subiront un douloureux châtiment. Voilà ceux qui achètent l'erreur au lieu de la bonne direction, et le tourment au lieu du pardon. Qu'est-ce qui leur fera supporter le feu ? C'est ainsi, car c'est avec la vérité que Dieu a révélé le livre. Certes, ceux qui se querellent au sujet du livre sont dans une profonde divergence. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l'est ou l'ouest, mais la piété est de croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres, ou prophète, et de donner ses biens, par amour pour Dieu, à ses proches, aux orphelins, aux indigents, aux voyageurs, aux mendiants, et pour la libération des esclaves. Et c'est d'observer correctement ses prières et d'acquitter l'aumône légale. Et ceux qui respectent leurs engagements lorsqu'ils s'engagent, ceux qui sont patients en période de tribulation, d'adversité et de grande tension, les voilà, ceux qui sont véridiques, et les voilà, ceux qui craignent vraiment Dieu. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Ô vous qui croyez, le talion vous est prescrit en matière de meurtre, homme libre pour homme libre, esclave pour esclave et femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné, en quelque façon, doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. C'est un allègement et une miséricorde de la part de votre Seigneur. Celui qui transgresse après cela recevra un douloureux châtiment. L'exercice du talion vous préserve la vie. Ô doué d'intelligence, peut-être deviendrez-vous pieux. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. On vous a prescrit, lorsque la mort de l'un de vous est proche, et s'il laisse des biens, de les léguer de façon équitable à ses parents et à ses proches, c'est un devoir pour les pieux. Quiconque altère le testament, après l'avoir entendu, le péché ne repose alors que sur ceux qui l'ont altéré. Certes, Dieu entend tout et sait tout. Mais quiconque craint d'un testateur quelque clause injuste ou inique et qu'il réconcilie les parties, alors il ne sera point blâmé. Certes, Dieu est pardonneur et miséricordieux. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ô vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux avant vous. Peut-être deviendrez-vous pieux. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Et pour ceux qui ne pourraient le faire qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir une personne pauvre. Et quiconque fait le bien de son propre gré, c'est meilleur pour lui. Mais jeûner vaut beaucoup mieux pour vous, si vous saviez. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Le mois de Ramadan est le mois durant lequel fut révélé le Coran comme guide pour les gens, comme preuve claire indiquant la bonne direction et comme discernement. Quiconque est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Dieu veut vous faciliter les choses et non vous les rendre difficiles, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur de Dieu pour vous avoir guidé. Peut-être serez-vous alors reconnaissant. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à la prière du suppliant quand il m'implore. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils placent leur confiance en moi. Peut-être seront-ils bien guidés. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. On vous a permis d'avoir des rapports avec vos épouses durant la nuit du jeûne. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Dieu sait que vous faisiez cela clandestinement auparavant, mais il vous a gracié et vous a pardonné. Ayez donc des rapports avec elles et recherchez ce que Dieu vous a ordonné, et mangez et buvez jusqu'à ce que vous voyez se distinguer le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Observez alors rigoureusement le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit et n'approchez pas vos épouses alors que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Voilà les limites qui vous sont imposées par Dieu. Veillez donc à ne pas les enfreindre. C'est ainsi que Dieu expose aux gens ses signes. Peut-être deviendront-ils pieux. Et ne dévorez pas mutuellement et injustement vos biens, et ne les utilisez pas pour obtenir audition auprès des juges, pour vous permettre de dévorer sciemment et illégalement une portion des biens d'autrui. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Il t'interroge sur les nouvelles lunes. Dis, elles servent à compter le temps et à fixer le moment du pèlerinage. Ce n'est pas un acte de piété que d'entrer dans les maisons par derrière, comme le font les idolâtres en certaines périodes. L'homme pieux est celui qui craint Dieu. Alors, entrez dans les maisons par leurs portes et craignez Dieu. Peut-être serez-vous parmi ceux qui réussissent. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Dieu n'aime pas les transgresseurs. Et tuez-les où que vous les trouviez. Et chassez-les d'où ils vous ont chassés, car la persécution est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la Sainte Mosquée, à moins qu'ils ne vous y attaquent les premiers. Dans ce cas, tuez-les. Telle est la rétribution des mécréants. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. S'ils renoncent à vous combattre, alors certes Dieu est pardonneur et miséricordieux. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de persécution et que leur religion soit entièrement à Dieu. S'ils renoncent, alors qu'il n'y ait plus d'hostilité, sauf contre les oppresseurs. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Un mois sacré pour un mois sacré. Le talion s'applique aussi aux choses sacrées. Donc, quiconque vous attaque, attaquez-le de la même manière. Craignez Dieu et sachez que Dieu est avec les pieux. Dépensez-vous bien dans le sentier de Dieu et ne causez pas votre destruction par vos propres mains. Et faites le bien. Certes, Dieu aime ceux qui font le bien. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Accomplissez le pèlerinage et la visite de la Mecque pour Dieu. Et si vous êtes empêchés, alors faites un sacrifice qui soit aisé pour vous. Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande n'ait atteint son lieu d'immolation. Quiconque est malade ou souffre d'une affection à la tête doit compenser par un jeûne, une aumône ou un sacrifice. Et si vous êtes en sécurité, quiconque désire grouper à la fois le pèlerinage et la visite doit faire un sacrifice qui lui soit facile. Et quiconque ne peut trouver d'offrande, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit 10 jours en tout. Cela est prescrit pour pour celui dont la famille n'habite pas près de la mosquée sacrée. Et craignez Dieu, et sachez que Dieu est sévère en châtiment. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى Le pèlerinage a lieu au cours du mois, bien connu. Quiconque souhaite l'accomplir, qu'il se rappelle alors, point de rapport intime, ni d'insulte, ni de dispute durant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Dieu le sait. Et faites des provisions pour l'au-delà. La meilleure des provisions est la piété. Alors craignez-moi, ô gens doués de raison. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Ce n'est point un péché pour vous que de rechercher quelque grâce de votre Seigneur. Et lorsque vous avancez parmi la foule, en revenant de Arafat, invoquez Dieu près du monument sacré. Rappelez-vous comment il vous a guidé, alors qu'auparavant vous étiez égaré. Ensuite, hâtez-vous de traverser l'endroit que les gens se hâtent de traverser, et demandez le pardon de Dieu. Certes, Dieu est pardonneur et miséricordieux. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Quand vous avez terminé vos actes de dévotion, invoquez Dieu comme vous invoquiez vos pères, mais de façon plus ardente encore. Il est des gens qui disent seulement « Notre Seigneur, donne-nous des biens en ce monde. » Pour cela, nulle part dans l'au-delà. Il y a ceux qui disent « Notre Seigneur, donne-nous ce qu'il y a de bon en ce monde et ce qu'il y a de bon dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. » Pour eux, il y aura une bonne part de ce qu'ils auront acquis, et Dieu est prompt à régler les comptes. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Invoquez Dieu durant un nombre de jours déterminés. Puis, quiconque devant son départ de deux jours n'est coupable d'aucun péché, et quiconque décide de s'attarder n'est coupable d'aucun péché non plus. Cela vaut pour celui qui se comporte de façon pieuse. Craignez Dieu. Et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. Parmi les gens, il y a celui dont le discours sur la vie d'ici-bas te plaît, et qui prend Dieu à témoin de ce qu'il y a dans le cœur, alors qu'il est le plus acharné des adversaires. Lorsqu'il se détourne, il s'efforce de répandre le désordre sur la terre, et de détruire les récoltes et le bétail. Et Dieu n'aime point le désordre. Lorsqu'on lui dit « Crains Dieu », son orgueil le pousse au péché, l'enfer lui réglera son compte, et quel mauvais lieu de repos. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Parmi les gens, il y a celui qui se sacrifie, recherchant en cela l'agrément de Dieu. Et Dieu est compatissant envers ses serviteurs. Ô vous qui croyez, entrez en plein dans la paix et ne suivez point les traces de Satan, c'est votre ennemi déclaré. Et si vous trébuchez, après que les preuves claires vous soient venues, alors sachez que Dieu est puissant et sage. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Qu'attendent-ils sinon que Dieu vienne à eux, à l'ombre des nuages, en compagnie des anges? Ainsi, leur affaire sera déjà jugée. C'est à Dieu que toutes les affaires retournent. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Demande aux enfants d'Israël combien de signes évidents nous leur avons apportés. Celui qui altère le bienfait de Dieu après qu'il lui soit parvenu, alors certes, Dieu est sévère en châtiment. On embellit la vie d'ici-bas à ceux qui ne croient pas et se moquent des croyants. Mais ceux qui craignent Dieu auront une position supérieure à eux au jour de la résurrection. Dieu donne sans limite à qui il veut. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Les humains formaient une communauté unique. Alors Dieu envoya les prophètes leur annoncer la bonne nouvelle et les avertir. C'est ainsi qu'il leur révéla les Écritures contenant la vérité pour leur servir de juges et trancher leurs différends. Mais, par haine les uns des autres, ceux qui avaient reçu les Écritures se mirent à se disputer à leur sujet, après que des preuves claires leur furent venues. Et Dieu, par sa grâce, guida ceux qui croyaient vers cette vérité même, au sujet de laquelle ils s'opposaient. Dieu guide qui il veut sur le droit chemin. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Pensez-vous accéder au paradis alors que ne vous sont pas encore venues des épreuves semblables à celles que subirent les gens qui vécurent avant vous? Affliction et adversité s'abattirent sur eux, qu'ils furent secoués, comme si un tremblement de terre les avait frappés, au point où le messager et ceux qui croyaient, comme lui, s'écrièrent « Quand donc viendra le secours de Dieu ?» Le secours de Dieu est certainement tout proche. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Ils t'interrogent sur ce qu'ils doivent dépenser. Dis, ce que vous dépensez de bien doit aller aux parents, aux proches, aux orphelins, aux indigents et aux voyageurs. Quelque bien que vous fassiez, Dieu le sait parfaitement. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Le combat vous est prescrit, bien qu'il vous soit détestable. Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Dieu sait, tandis que vous, vous ne savez pas. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Il t'interroge au sujet de la guerre, durant les mois sacrés. Dis, la guerre est une grave transgression, mais plus grave encore auprès de Dieu est de détourner les gens de son sentier, d'être impie envers celui-ci et la mosquée sacrée, et d'en expulser ses habitants. Car la persécution est plus grave que le meurtre. Et jamais ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous détournent de votre religion, s'ils le peuvent. Et ceux qui deviennent apostats et meurent en étant mécréants, ceux-là sont ceux dont les œuvres seront vaines dans ce monde comme dans l'au-delà. Ceux-là sont les gens du feu dans lequel ils demeureront éternellement. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Certes, ceux qui ont cru et qui ont émigré et qui ont fait effort dans le sentier de Dieu. Ceux-là espèrent sa miséricorde. Dieu est pardonneur et miséricordieux. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Il t'interroge sur les boissons alcoolisées et les jeux de hasard. Dis, dans les deux il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que le profit qu'on en tire. Et il t'interroge sur ce qu'ils doivent dépenser. Dis, l'excédent de vos biens. Ainsi, Dieu vous rend-il explicite les signes ? Peut-être méditerez-vous. Sur ce monde et sur l'au-delà. Et il t'interroge au sujet des orphelins. Dis, améliorer leur sort est la meilleure chose à faire. Et si vous associez vos affaires aux leurs, ils sont alors vos frères. Dieu sait distinguer celui qui cherche à faire le mal de celui qui cherche à faire le bien. Si Dieu avait voulu, il vous aurait rendu les choses difficiles. Dieu est puissant et sage. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. N'épousez pas les femmes polythéistes tant qu'elles ne croiront pas. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une idolâtre libre, même si celle-ci vous plaît. Et ne donnez pas vos filles en mariage aux polythéistes, tant qu'ils ne croiront pas. Certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un idolâtre libre, même si ce dernier vous plaît. Cela invite au feu, tandis que Dieu invite, de par sa grâce, au paradis et au pardon. Il expose ses signes aux gens afin qu'ils se rappellent. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه Il t'interroge sur les menstruations. Dis, c'est un inconfort. Écartez-vous des femmes durant ces moments. Ne les approchez intimement que lorsqu'elles sont pures. Une fois qu'elles sont purifiées, approchez-les, suivant les prescriptions de Dieu. Il aime ceux qui se tournent vers lui et ceux qui se purifient. Vos épouses sont comme un champ de labour pour vous. Allez à votre champ comme vous voulez. Et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Dieu et sachez que vous le rencontrerez. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. N'utilisez pas le nom de Dieu dans vos serments pour vous dispenser d'être bon, pieux et de réconcilier les gens. Dieu entend tout et il est omniscient. Il ne vous demandera pas de compte sur ce que vous dites, sans réfléchir dans vos serments. Mais il vous demandera des comptes sur ce que votre cœur aura acquis. Et Dieu est pardonneur et indulgent. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Pour ceux qui font le serment de s'abstenir de leur femme, il y a un délai d'attente de 4 mois. S'ils se reprennent, leur serment sera annulé. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Mais s'ils décident de divorcer, alors qu'ils se souviennent que Dieu est celui qui entend tout, et il est omniscient. Les femmes divorcées doivent observer un délai équivalent à 3 périodes de menstruation avant de se remarier, et il ne leur est pas permis de taire ce que Dieu a créé dans leur ventre, si elles croient en Dieu et au jour dernier. Et leur mari ferait mieux de les reprendre, en ce cas, s'ils souhaitent la réconciliation. Les femmes ont sur les hommes des droits similaires aux droits de ces derniers, et cela conformément à la bienséance. Et les hommes ont un degré de responsabilité supérieur au leur. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. La répudiation est permise seulement 2 fois, avant la reprise de la femme, dans le respect ou sa libération, de façon équitable. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, sauf dans le cas où tous deux craignent de ne pouvoir respecter les limites de Dieu. Et si vous craignez qu'ils ne puissent respecter les limites de Dieu, dans ce cas, il ne leur sera pas tenu rigueur si la femme décide de se libérer par rançon. Voilà les limites imposées par Dieu. Ne les transgressez pas, car ceux qui transgressent les limites de Dieu, ceux-là sont les injustes. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. S'il la répudie une troisième fois, alors elle ne lui sera plus licite pendant le temps où elle n'aura pas épousé un autre homme. Si ce dernier la répudie, nul reproche à faire aux deux anciens époux de se remarier, s'ils pensent pouvoir se conformer aux limites imposées par Dieu. Voilà les limites de Dieu, il les expose aux gens qui comprennent. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Quand vous répudiez vos épouses et que leur échéance arrive à terme, alors reprenez-les de façon équitable ou libérez-les de façon équitable. Ne les retenez pas pour leur faire du tort. Vous transgresseriez alors les limites, et celui qui fait cela fait du tort à son âme. Ne prenez pas à la légère les versets de Dieu, mais rappelez-vous le bienfait dont Dieu vous a gratifié, ainsi que ce qu'il vous a révélé du livre et de la sagesse, par lesquels il vous exhorte. Craignez Dieu et sachez que Dieu est omniscient. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et quand vous avez divorcé d'avec vos femmes et que leur échéance est arrivée à terme, ne les empêchez pas de se remarier avec leurs anciens époux, s'ils sont d'accord et conformément à la bienséance. C'est là un avertissement pour celui qui croit en Dieu et au jour dernier. C'est plus vertueux pour vous et plus pur. Dieu sait, tandis que vous, vous ne savez pas. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Les mères qui veulent donner un allaitement complet devront allaiter 2 ans. Le devoir de nourrir et de vêtir la mère allaitante de façon convenable revient au père de l'enfant. Nul ne devrait supporter plus que ses moyens. Une mère ne devrait pas avoir à souffrir à cause de son enfant, pas plus que le père ne devrait avoir à souffrir à cause de son enfant. Et il incombe à l'héritier les mêmes devoirs qui incombaient au père. S'il décide, après s'être consulté, et d'un commun accord de sevrer l'enfant, il ne leur sera fait aucun reproche. Et si vous voulez confier vos enfants à une nourrice, on ne vous fera pas de reproche non plus, à condition que vous lui payiez ce que vous aviez convenu, conformément à l'usage en vigueur. craignez Dieu et sachez que Dieu voit parfaitement ce que vous faites. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Les épouses de ceux d'entre vous qui meurent doivent observer un délai de 4 mois et 10 jours, durant lequel elles ne peuvent se remarier. Passé ce délai, il n'y a aucun reproche à vous faire au sujet de ce qu'elles décident pour elles-mêmes de manière convenable. Et Dieu sait ce que vous faites. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Il ne vous sera fait aucun reproche si vous proposez ouvertement le mariage à ces femmes ou si vous en nourrissez l'idée dans votre cœur. Dieu sait que vous songerez à elles, mais ne leur promettez rien secrètement, sauf leur dire des paroles honorables. Et ne consommez pas le mariage avant l'expiration du délai prescrit. Sachez que Dieu connaît ce qu'il y a dans votre âme. Prenez donc garde à lui, et sachez qu'il est pardonneur et indulgent. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Vous ne commettez pas de péché si vous divorcez avec des épouses avant d'avoir consommé le mariage avec elles, ou avant d'avoir convenu du montant de leur dot. Donnez-leur, le riche selon ses moyens et le pauvre selon ses moyens, une compensation raisonnable. C'est là un devoir de conscience pour les bienfaisants. من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. Si vous divorcez d'avec elle avant d'avoir consommé le mariage, mais après que leur dot ait été fixé, donnez-leur la moitié de leur dot, à moins qu'elles y renoncent ou que n'y renonce celui dont dépendait la conclusion du mariage. Le renoncement est plus proche de la piété, et n'oubliez pas votre faveur mutuelle. Dieu voit parfaitement ce que vous faites. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Soyez assidus à vos prières et surtout à la prière médiane et tenez-vous debout devant Dieu en toute humilité. Et si vous craignez une attaque ennemie, vous pouvez prier debout ou sur vos montures. Et lorsque vous êtes à nouveau en sécurité, invoquez Dieu de la manière qu'il vous a enseigné et que vous ne saviez pas. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون Ceux d'entre vous qui sont sur le point de mourir et qui laissent des épouses doivent léguer à celles-ci un montant suffisant à couvrir leurs dépenses d'usage pendant un an sans les expulser de chez elles. Mais si elles partent de leur propre gré, il ne vous sera fait aucun reproche relativement à la façon dont elles disposeront d'elles-mêmes, à condition que ce soit convenable. Dieu est puissant et sage. Et les femmes divorcées ont droit à une allocation raisonnable, c'est un devoir pour les pieux. C'est ainsi que Dieu vous expose ces signes, afin que vous compreniez. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. As-tu considéré ceux qui, jadis, sortirent de leur demeure par milliers par crainte de la mort? Dieu leur dit: Mourez. Après quoi il les fit revivre. Certes, Dieu est rempli de bonté envers les gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Combattez dans le sentier de Dieu et sachez que Dieu entend tout et qu'il est omniscient. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون Qui donc fera de bonne grâce un prêt à Dieu, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Dieu restreint et étend ses faveurs tour à tour, et c'est à lui que vous retournerez. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين N'as-tu pas vu comment les notables d'Israël après Moïse, dirent à l'un de leurs prophètes, « Désigne-nous un roi et nous combattrons dans le sentier de Dieu. » Il dit, « Et si vous ne combattez pas, lorsque le combat vous sera prescrit ?» Ils répondirent, « Pourquoi ne combattrions-nous pas dans le sentier de Dieu, alors que nous avons été expulsés de nos maisons et séparés de nos enfants ?» Malgré cela, lorsque le combat leur fut prescrit, ils tournèrent tous le dos, à l'exception d'un petit nombre d'entre eux. Dieu connaît bien les injustes. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم Leur prophète leur dit, « Certes, Dieu vous a envoyé Saul pour qu'il soit votre roi. » Ils répondirent, Comment pourrait-il régner sur nous ? Nous avons plus de droit que lui à la royauté, puisqu'on ne lui a pas prodigué suffisamment de richesses. Il dit : Certes, Dieu l'a préféré à vous, et l'a abondamment pourvu, en sagesse et en stature. Dieu accorde sa royauté à qui il veut. Dieu est immense dans sa grâce, et il est omniscient. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Leur prophète leur dit : Certes, le signe de sa royauté sera qu'il vous rapportera l'arche, contenant une promesse de quiétude de la part de votre Seigneur, ainsi que les reliques de ce que laissèrent la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Ce sont les anges qui la porteront. Certes, ce sera un signe pour vous si vous êtes croyants. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Puis, lorsque Saul se mit en route avec l'armée, il dit : Certes, Dieu va vous éprouver par une rivière. Quiconque boira de son eau ne sera plus des miens, et quiconque n'y goûtera point sera des miens. De même que celui qui en puise un peu dans le creux de sa main. Mais ils en burent tout de même, sauf un petit nombre d'entre eux. Et quand Saul et ses fidèles eurent franchi la rivière, ils dirent : Nous n'avons aucun pouvoir aujourd'hui contre Goliath et ses troupes. Mais ceux qui avaient la certitude de rencontrer leur Seigneur s'exclamèrent : Combien de fois un petit nombre a-t-il triomphé d'une armée puissante par la grâce de Dieu ? Dieu est avec ceux qui sont patients. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Et lorsqu'ils avancèrent pour affronter Goliath et ses troupes, ils dirent : Seigneur, déverse sur nous la patience, affermis nos pas et aide-nous contre ce peuple de mécréants. Alors ils les mirent en déroute par la grâce de Dieu, et David tua Goliath. Dieu donna alors la royauté et la sagesse à David, et il lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Dieu ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Mais Dieu est rempli de bonté envers ses créateurs. Voilà les versets de Dieu que nous te récitons en toute vérité. Et tu es certes l'un de nos messagers. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Parmi ces messagers, nous en avons privilégié certains par rapport à d'autres. Il y en a certains à qui Dieu a parlé et d'autres qu'il a élevé à un rang supérieur. Nous avons donné à Jésus, fils de Marie, des preuves claires et nous l'avons fortifié du Saint-Esprit. Et si Dieu avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués après que les preuves claires leur furent venues. Mais ils divergèrent, et certains crurent tandis que d'autres furent infidèles. Si Dieu avait voulu, ils ne se seraient pas entretués, mais Dieu fait ce qu'il veut. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Ô vous qui croyez, dépensez de ce que nous vous avons donné avant que vienne le jour où il n'y aura pas de marchandage, ni d'amitié, ni d'intercession. Les mécréants, ce sont eux les injustes. Allah, la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما Dieu, nul Dieu excepté lui, le vivant, l'éternel qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui, sauf avec sa permission? Il sait ce qui se trouve devant eux et ce qui se trouve derrière eux, tandis qu'il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut. Son trône s'étend au-delà des cieux et de la terre, et leur garde ne le fatigue point. Il est le Très-Haut, le Majestueux. La ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha. والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Nulle contrainte en religion, la bonne voie est désormais distincte de l'erreur. Celui qui rejette les fausses divinités et croit en Dieu a saisi l'anse la plus solide, qui ne se brisera jamais. Dieu entend et sait parfaitement tout. Dieu est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres pour les guider vers la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, leurs protecteurs sont les fausses divinités. Ils les font sortir de la lumière pour les guider vers les ténèbres. Ceux-là sont les gens du feu, dans lequel ils demeureront éternellement. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. N'as-tu pas considéré celui qui, parce que Dieu lui avait donné la royauté, se disputa avec Abraham au sujet de son Seigneur? Abraham avait dit: Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. L'autre répondit: Je donne aussi la vie et la mort. Alors Abraham dit: Dieu fait lever le soleil à l'est, fais-le donc se lever à l'ouest. Le mécréant resta alors confondu. Dieu ne guide point les injustes. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Ou celui qui, passant par un village en ruine, s'exclama: Comment Dieu va-t-il redonner vie à ce village après sa mort? Alors Dieu le fit mourir pendant 100 ans, puis le ramena à la vie. Il lui dit: Combien de temps es-tu demeuré ainsi? Je suis resté un jour, ou une partie d'une journée. Dieu lui dit: Non, tu as demeuré ainsi 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson, elles ne se sont pas gâtées. Regarde donc ton âne, et afin que nous fassions de toi un signe pour les gens, regarde ses ossements, comme nous les rassemblons, et comme nous les recouvrons ensuite de chair. Devant l'évidence, il dit: Je sais maintenant que Dieu est omnipotent. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Quand Abraham dit: Mon Seigneur, montre-moi comment tu revivifies les morts. Dieu dit: Ne crois-tu pas? Abraham dit: Si, mais c'est afin que mon cœur soit rassuré. Dieu dit: Prends 4 oiseaux, dresse-les à te suivre et coupe-les en morceaux. Puis sur des monts séparés, éparpille les morceaux et ensuite appelle-les. Ils vont venir à toi avec empressement. Sache que Dieu est puissant et sage. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Le cas de ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier de Dieu est similaire à celui d'un grain. D'où naissent 7 épis, qui renferment 100 grains chacun. Dieu multiplie la récompense à qui il veut. La grâce de Dieu est immense et il est omniscient. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier de Dieu et qui ne font suivre leur largesse ni d'un rappel ni d'un tort, leur récompense est auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux et ils ne seront point affligés. وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Une bonne parole et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Dieu se suffit à lui-même et il est doux. Ô vous qui croyez, ne rendez pas vaines vos aumônes en les faisant suivre d'un rappel ou d'un tort, comme celui qui ne dépense ses biens que pour être vu des autres et qui ne croit point en Dieu et au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre. Qu'une averse tombe sur lui, elle le laisse lisse et dénudé. De telles personnes ne profiteront jamais de ce qu'elles croyaient acquérir. Dieu ne guide point les mécréants. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ceux qui dépensent leurs biens en cherchant l'agrément de Dieu ainsi que pour fortifier leur âme ressemblent à un jardin sur une colline. Qu'une averse l'atteigne, il double ses fruits. Et s'il ne reçoit point d'averse, une bruine lui suffit. Dieu voit parfaitement ce que vous faites. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. L'un d'entre vous aimerait-il avoir un jardin de dattiers et de vignes sous lequel coulent les ruisseaux et qui lui donne toutes sortes de fruits? Mais voici que la vieillesse le rattrape, tandis que ses enfants sont encore petits, et qu'un tourbillon de feu s'abat sur son jardin et le brûle. Ainsi, Dieu vous explique les signes afin que vous méditiez. Ya ayyuha alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Ô vous qui croyez, dépensez des bonnes choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Et ne recherchez pas ce qu'il est mauvais de donner, alors que vous ne l'accepteriez vous-même que les yeux fermés. Sachez que Dieu se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Satan vous promet la pauvreté et vous ordonne la turpitude, tandis que Dieu vous promet pardon de sa part et sa générosité. La grâce de Dieu est immense et il est omniscient. Il donne la sagesse à qui il veut, et celui à qui a été donnée la sagesse a vraiment reçu un bien immense. Seuls ceux doués d'intelligence se souviennent. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Quelles que soient les dépenses que vous faites ou vos vœux, certes Dieu le sait, et les transgresseurs n'ont point de secoureurs. Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien, mais si vous le faites discrètement, en le donnant aux pauvres, ce sera meilleur pour vous, et cela expiera certains de vos péchés. Dieu est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Il ne t'incombe pas de les guider. Dieu guide qui il veut. Et quelles que soient les bonnes choses que vous dépensez, c'est à votre avantage, lorsque vous ne le faites que pour la recherche du visage de Dieu. Quelles que soient les bonnes choses que vous dépensez, vous en serez pleinement récompensé et vous ne serez point lésé. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Les aumônes sont pour les pauvres, confinés dans le sentier de Dieu, qui ne peuvent parcourir le monde, et que l'ignorant croit riche parce qu'ils ont honte de mendier. Tu les reconnaîtras à leur aspect. Ils n'importunent personne en mendiant tout ce que vous dépensez de bien, certes Dieu le sait. Ceux qui, de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent leurs biens, en vérité, leur récompense est auprès de Dieu. Ils n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Ceux qui vivent de l'intérêt usuraire seront ressuscités comme des gens que le toucher de Satan a rendu dément. Cela parce qu'ils disent « Le commerce est comme l'intérêt ». Alors que Dieu a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt usuraire. Celui qui cesse dès que lui vint une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant. Son affaire est dorénavant entre les mains de Dieu. Quant à ceux qui récidivent, les voilà les gens du feu dans lequel ils demeureront éternellement. Dieu anéantit l'intérêt et fait fructifier les aumônes, et Dieu n'aime aucun pécheur ingrat. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Certes, ceux qui croient, font de bonnes œuvres, accomplissent la prière et acquittent l'aumône légale, trouvent leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Ô vous qui croyez, craignez Dieu et abandonnez ce qui reste de l'intérêt, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, soyez avertis d'une guerre de la part de Dieu et de son messager. Si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Ne lésez personne et vous ne serez point lésés. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Si le débiteur est dans la gêne, que lui soit accordé un sursis, jusqu'à ce qu'il soit dans une situation plus aisée. Si par charité, vous lui faites grâce de la dette, cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez. Prémunissez-vous contre un jour où vous serez ramené vers Dieu. Chaque âme sera alors pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. Ya ayyuha alladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Ô vous qui croyez, lorsque vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la par écrit, qu'un scribe l'écrive en toute justice. Un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce que Dieu lui a enseigné. Qu'il écrive donc, et que le débiteur dicte, et qu'il craigne Dieu son Seigneur, en se gardant de rien en diminuer. Si le débiteur est sot ou simple d'esprit, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice, appelez comme témoin deux hommes parmi vous. À défaut de deux hommes, alors un homme et deux femmes parmi ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles se trompe, l'autre puisse lui rappeler. Les témoins ne doivent pas refuser lorsqu'ils sont appelés. Ne répugniez pas à mettre par écrit le contrat, ainsi que son terme, que la dette soit minime ou importante. Cela est plus équitable auprès de Dieu. C'est un meilleur élément de preuve et le meilleur moyen d'écarter les doutes entre vous. Mais s'il s'agit d'une marchandise que vous transférez de main en main, vous ne commettez pas de péché en ne l'écrivant pas. Prenez des témoins lorsque vous faites des transactions entre vous, et qu'aucun tort ne soit causé à la personne qui écrit, ni aux témoins. Si vous leur causez du tort, certes votre cœur est entaché de péché. Craignez Dieu, Dieu vous enseigne, et il est omniscient. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Si vous êtes en voyage et que vous ne trouvez pas de scribe, un gage suffit. Si vous vous faites mutuellement confiance, que celui à qui on a confié une chose la restitue et qu'il craigne Dieu, son Seigneur. Ne vous abstenez pas de témoigner. Quiconque étouffe le témoignage a certes le cœur entaché de péché. Dieu sait parfaitement ce que vous faites. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. C'est à Dieu qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que vous manifestiez ce que vous avez à l'esprit ou que vous le taisiez, Dieu vous en demandera compte, il pardonnera à qui il voudra, et châtiera à qui il voudra. Dieu est tout-puissant. Le messager croit en ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur, et les croyants aussi. Tous croient en Dieu et en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ses messagers. nous avons entendu et nous obéissons. Accorde-nous, Seigneur, ton pardon. Vers toi est notre retour. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. En sa faveur, elle n'aura que ce qu'elle aura acquis, et en sa défaveur, elle n'aura que ce qu'elle aura mérité. Notre Seigneur, ne nous blâme pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Notre Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme celui dont tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Notre Seigneur, ne nous impose pas ce que nous n'avons pas la force de supporter. Efface nos péchés, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre protecteur, accorde-nous la victoire sur les peuples infidèles.